الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دهما بعد. Donc toujours dans l'explication du livre Le Ma'at al-Atiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad, la lumière de la foi qui guide vers le chemin droit, un livre de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah et une explication de Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve. La semaine dernière, on avait continué à citer les attributs d'Allah Azza wa Jal présents dans le Coran. L'auteur avait cité la parole, l'imam Ibn Qudama a dit la parole d'Allah Azza wa Jal en parlant de Isa alayhi salam, tu sais ce qu'il y a dans mon nefs et je ne sais pas ce qu'il y a dans ton nefs. Et la parole d'Allah Azza wa Jal également, Waja'a Rabbuk, et ton Seigneur viendra. Et également la parole d'Allah Azza wa Jal, n'attendent-ils pas ou qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuages, de même que les anges. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, radiyallahu anhum wa radu an, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, yuhibbuhum wa yuhibbuna, il les aime et il l'aime. Et la parole d'Allah Azza wa Jal sur les non-musulmans, radiyallahu alayhim, Allah est énervé contre eux. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, ittaba'u ma asrat Allah, ils ont suivi ce qui engendre ce qui provoque le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ceci sont des versets qui traitent ou qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant le premier verset, où Allah Azza wa Jal parle de Isa alayhi salam, tu sais ce qu'il y a dans mon nefs et je ne sais pas ce qu'il y a dans ton nefs, ou bien tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Ici, concernant sifatun nefs, le caractère ou l'attribut du nefs, c'est-à-dire de l'esprit ou de l'âme, qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet ? Qu'il y a une divergence de savants à ce sujet. Certains savants ont dit que c'est une sifa parmi les sifas d'Allah Azza wa Jal, et la plupart des savants ont dit que cela signifie al-dhat, l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire quand on parle de nafs al-shay, ay dhatu, mais quand on parle de nafs de quelqu'un, c'est la personne en elle-même. D'accord ? Et c'est l'avis, Allah Alam, le plus proche de la vérité, c'est l'avis de la plupart des savants, l'avis de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres savants qui considèrent que la parole d'Allah Azza wa Jal, ta'lamu ma fi nafsi, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi, que Isa Al-Salam parlait de Zatullahi Azza wa Jal. Ensuite, concernant le second verset, wa ja'a rabbuka, ton Seigneur viendra. Il y a dans ce verset la preuve de quel attribut d'Allah Azza wa Jal ? L'attribut de Sifatu al-Maji, l'attribut de la venue, qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra. Il viendra le jour du jugement pour juger ses serviteurs, et Allah Azza wa Jal viendra avec les anges. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal viendra ? Allah A'lam, on ne sait pas, et c'est une question à ne pas poser. Allah Azza wa Jal a attesté qu'il viendra. Comment est-ce qu'il viendra ? Allahu A'lam. On doit attester et on doit avoir la foi certaine qu'Allah Azza wa Jal viendra comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. Et le fait que les créatures viennent et qu'Allah vient, est-ce que cela est considéré comme une ressemblance d'Allah avec ses créatures ? Non. Car les créatures viennent comme cela est connu chez elle, et Allah Azza wa Jal vient comme cela est propre à lui, subhanahu wa ta'ala. Pareil pour la parole d'Allah Azza wa Jal, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ, qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne. Il y a aussi dans ce verset la preuve de sifatu al-maji, de l'attribut de la venue. Et également, l'autre verset où Allah Azza wa Jal a dit رَضِيَ anhum wa وَرَضُوا an, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Il y a dans ce verset la preuve de l'attribut de la satisfaction. Sifatu ar-ridha, Allah Azza wa Jal est satisfait, de même que ses serviteurs sont satisfaits, mais la satisfaction d'Allah Azza wa Jal n'est pas comme la satisfaction de ses créatures. Ensuite, la parole d'Allah Azza wa Jal, yuhibbuhum wa yuhibbuna, il les aime et il l'aime. Il y a dans ce verset la preuve de l'attribut de l'amour, qu'Allah Azza wa Jal aime, que ses serviteurs aiment également, mais que l'amour d'Allah Azza wa Jal n'est pas le même que celui de ses serviteurs. Pareil pour la colère, radiyallahu alayhim, Allah est en colère contre eux. Pareil pour le courroux, ils ont suivi ce qui provoque le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب يقول الإمام ابن قدامة المقدسي وقوله كره الله انبعاثهم كره الله انبعاثهم كذلك في هذه الآية وصف الله أنه يكره ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين هذه في المنافقين في غزوة تبوك لما تخلف المنافقون بين الله للمؤمنين أن الله هو الذي خلفهم وأخرهم لأنهم لو خرجوا لحصل على المؤمنين منهم ضرر ولو أرادوا الخروج يعني للغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم أي خروجهم فثبطهم أي عن الخروج وكسلهم وقيل قعدوا مع القاعدين ثم بين المفاسد في خروجهم فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين بين سبحانه المفاسد التي تترتب على خروجهم من المسلمين للغزو أنهم يوقعون الشقاق بين المسلمين وأنهم يريدون إيقاع الفتنة وتفريق الكلمة وأن من المسلمين من يستمع لهم ويتأثر بكلامهم ويصدقهم فالله جل وعلا منعهم من الخروج حكمة منه سبحانه. Donc dans la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit dans Surat al-Tawba, le verset 46, « كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَافَهُمْ » Allah a détesté leur sortie. Allah a détesté leur sortie. Il y a dans ce verset, quel caractère, quel attribut d'Allah Azza wa Jal ? Sifatul al-kur. C'est le fait de détester. Non, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal déteste. Et pour comprendre ce verset, il faut le lire dans sa totalité et lire les versets suivants, à savoir le verset suivant, à savoir les 46 et 47. Allah Azza wa Jal a dit dans Surah At-Tawbah, versets 46 et 47, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً. Et s'ils avaient voulu sortir ou partir au combat, ils auraient fait des préparatifs. Mais Allah Azza wa Jal a détesté leur départ et il les a rendus paresseux. Et il leur fut dit, c'est-à-dire à ces hypocrites qui n'ont pas voulu sortir, restez avec ceux qui restent. Puis Allah Azza wa Jal a dit, لو أرادوا الخروج, et s'ils avaient voulu, s'ils étaient sortis avec vous, il n'aurait fait qu'accroître votre trouble et jeter de la discorde dans vos rangs, cherchant et en créer de la division dans vos rangs, cherchant à créer la discorde. يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةُ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ. Et il y aurait eu parmi vous des gens qui les écoutent. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur des offenseurs. Cheikh Al-Fawzan a dit que ce verset est descendu sur les hypocrites lors de la bataille de Tabouk. Lorsque les hypocrites sont restés et ne sont pas sortis au combat, Allah Azza wa Jal a décrit ou a expliqué aux croyants que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait qu'ils ne viennent pas et qu'ils restent avec ceux qui restent, c'est-à-dire qui sont ceux qui restent. Restez avec ceux qui restent, c'est-à-dire ceux qui sont excusés de ne pas aller au combat, à savoir les personnes malades, les personnes âgées, les femmes et les enfants. Car s'ils étaient sortis, les musulmans auraient souffert de leur départ. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, s'ils avaient voulu sortir au combat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la'addu lahu 'udda, ils auraient fait des préparatifs. Celui qui va au combat, surtout au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fallait se préparer, préparer ses armes, préparer son armure, préparer sa monture, mais aussi préparer psychologiquement, oui, mais préparer la nourriture aussi. Il faut manger pendant ce temps-là. Il faut manger là-bas, et il faut, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il prenait des denrées comme le blé, l'orge, etc., des denrées qui ne sont pas périssables et qui peuvent être consommées même après une longue période. فَثَبَّطَهُمْ, et Allah Azza wa Jal les a rendus paresseux. Allah Azza wa Jal a fait en sorte que ces hypocrites soient paresseux, et il leur a été dit, c'est-à-dire à ces hypocrites, de rester avec ceux qui restent. Puis Allah Azza wa Jal a montré les méfaits qui auraient été engendrés si ces hypocrites étaient sortis au combat, comme Allah Azza wa Jal a dit, et s'ils étaient sortis, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter ou créer de la division dans vos rangs pour chercher dans cela la discorde. Allah Azza wa Jalla a montré dans ce verset que le fait que ces hypocrites soient sortis pour combattre aurait dérangé, aurait porté atteinte aux musulmans, car ils les auraient divisés et aurait voulu créer la discorde entre eux, et il y aurait eu, et il y aurait eu parmi les musulmans des personnes qui les auraient écoutés et auraient été influencées par leurs paroles et les auraient considérées comme vraies. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a empêché que ces hypocrites sortent par une sagesse venant de lui subhanahu wa ta'ala. Car les hypocrites, est-ce qu'ils étaient connus au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'ils étaient connus ou pas? Oui ou non? Non, c'était connu, mais que de très peu de personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné la liste des hypocrites à Hudayfa. C'est pour cela que Hudayfa radiallahu anhu était appelé celui qui détient le secret. Sahibu Sirri Rasulillah, c'est celui qui détient le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir la liste des noms des hypocrites. Car les hypocrites, ouvertement et de façon apparente, ils sont musulmans. Tu les vois, ce sont des musulmans. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des signes qui permettent de reconnaître les hypocrites lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Que les prières les plus dures pour l'hypocrite sont la prière du matin du Fajr et la prière du Isha. Et d'autres signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Donc, le fait que ces hypocrites, qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi connaît parfaitement, étaient sortis au combat, sachant qu'ils ne sont pas sincères, est-ce qu'ils auraient voulu combattre et mourir dans le sentier d'Allah? Non. Donc ils auraient fait en sorte de diviser les musulmans et d'essayer de trouver des prétextes pour ne pas combattre et d'essayer d'avoir avec eux des musulmans qui soutiendraient leur cause. Et en utilisant les bons arguments, des musulmans auraient pu les écouter et être influencés par eux, car ils sont en apparence musulmans. D'accord? Al-Shahidu min al-Ayah, yaqulu al-Sheikh al-Fawzan, al-Shahidu min al-Ayah, كره الله انبعاثهم ففيه أن الله يكره بعض الأعمال ويكره بعض الأشخاص والمخلوق يكره أيضا ولكن مع الفرق بين كراهة المخلوق وكراهة الخالق كسائر الصفات. Donc ce qu'il faut retenir dans ce verset, c'est-à-dire nous concernant, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, et Allah a détesté leur départ. Il y a dans ce verset la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste certains actes, mais qu'il déteste aussi certaines personnes, et que les créatures elles aussi détestent, mais qu'il y a une grande différence et un grand fossé entre le fait qu'une créature déteste et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. car Allah subhanahu wa ta'ala déteste comme il le veut de la façon qui lui est propre, subhanahu wa ta'ala. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. Donc après avoir cité les versets ou quelques versets, car ils sont beaucoup plus nombreux, après que l'auteur ait cité les versets qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il cite maintenant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent également des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces hadiths, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète alayhi salam, Allah ou notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus bas. Vers le ciel le plus bas. C'est un hadith authentique apporté par Muslim dans son sahih. هذا الحديث الصحيح في النزول حديث مشهور جاء من عدة طرق عن جماعة من الصحابة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له وهل من تائب فأتوب عليه ولذلك يستحب أن يكون الإنسان في هذه الساعة أي في ثلث الليل الآخر أن يكون مستيقظا يدعو الله جل وعلا ويتهجد ويستغفر حتى يحوز على هذه المنقبة العظيمة فإنه وقت إجابة هل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع بين يدي ربه ويستغفر ويسأل ويتوب إلى الله فإن الله يعطيه ما طلب. Donc dans ce hadith authentique, qui est appelé hadith al-nuzul, le hadith de la descente. Quand vous entendez parler du hadith al-nuzul, le hadith de la descente, c'est celui-ci. Celui où le prophète sallam a dit qu'Allah Azza wa Jal descend chaque nuit vers le ciel le plus bas. C'est un hadith connu qui a été rapporté par plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith dans sa totalité est qu'Allah descend, que notre Seigneur descend vers le ciel le plus bas chaque nuit lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Alors, subhanahu wa ta'ala, chaque nuit, durant le dernier tiers, il descend vers le ciel le plus bas et dit, subhanahu wa ta'ala, « Y a-t-il quelqu'un pour me demander afin que je lui donne ? Y a-t-il quelqu'un qui veut se faire pardonner pour que je lui pardonne ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se repentir pour que j'accepte son repentir ?» Pour cela qu'il est préférable à l'être humain et aux musulmans en particulier d'être durant ce moment, c'est-à-dire le dernier tiers de la nuit, d'être réveillé et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en prière, de lui demander le pardon afin de profiter de cette opportunité immense, car c'est un moment d'exaucement. Ce dernier tiers de la nuit est un moment béni où Allah Azza wa Jal exauce les invocations et dit « Y a-t-il quelqu'un pour me demander afin que je lui donne ? Y a-t-il quelqu'un qui demande le pardon afin que je lui pardonne ? Y a-t-il quelqu'un qui demande le repentir afin que j'accepte de lui ce repentir ?» Et lorsque la personne invoque Allah Azza wa Jal durant ce moment et s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala et lui demande le pardon et le repentir ainsi que toute autre demande, eh bien Allah Azza wa Jal lui donnera et lui accordera sa demande. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كلام في ثبوته ولا مطعن في سنده وفيه وصف الله جل وعلا بالنزول إلى سماء الدنيا فهو حديث عظيم نثبته كما جاء وأن الله ينزل كما وصف نفسه بذلك ولكن لا نعترض لكيفيته فنقول كيف ينزل ولا نتعرض له كسائر الصفات لا نتعرض لكيفيتها فالله جل وعلا ينزل كما يشاء سبحانه وكيف يشاء استوى على العرش كيف شاء فنحن لا نبحث عن في كيفية النزول وإنما نثبت النزول ونكل كيفيته إلى الله جل وعلا. Dans ce hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun dialogue possible quant au fait d'attester que ce hadith est authentique. Il est authentique et sa chaîne de transmission l'est aussi. Il y a dans ce hadith la preuve qu'Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, il y a le fait qu'il descende. Et Allah Azza wa Jal descend vers le ciel le plus bas. C'est donc un hadith immense et nous devons le comprendre comme il a été rapporté, à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend, comme il a lui-même dit, à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous ne devons pas nous attarder sur le comment et dire comment est-ce qu'Allah descend. Et ceci est également valable pour l'ensemble des autres attributs d'Allah Azza wa Jal. Nous ne devons jamais nous attarder sur le comment ni demander comment sont ces attributs. Allah Azza wa Jal descend comme il veut, il descend quand il veut. Allah Azza wa Jal est établi au-dessus de son trône comme il le veut. Nous ne devons donc pas rechercher comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Nous ne devons seulement nous contenter d'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend et de remettre le comment à Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzilu rabbuna asnada nuzula ila Allah jalla wa ala. وفي هذا رد على الذين يقولون ينزل أمره لأن هذا تأويل باطل أسند النبي صلى الله عليه وسلم النزول إلى الرب ولم يسنده إلى أمر الله أيضا أمر الله جل وعلا دائما ينزل ليس هو بخاص بثلث الليل الآخر أيضا مما يبطل هذا التأويل أن الله جل وعلا يقول هل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له وهل من تائب فأتوب عليه هل الأمر يقول هذا؟ الأمر يقول هل من سائل فأعطيه؟ الأمر يعطي؟ الأمر يغفر الذنوب؟ الأمر يتوب على من تاب؟ هذه كلها صفات لله جل وعلا وليست صفات لأمره. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ينزل ربنا. Notre Seigneur descend. Allah عز وجل, le prophète صلى الله عليه وسلم, pardon, a donc lié la descente à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une réponse à ceux qui disent que ce n'est pas Allah qui descend, mais c'est son commandement. Ceci est une interprétation nulle et à rejeter. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yanzilu Rabbuna » Notre Seigneur descend. C'est donc Allah qui descend. « Walam yusnidhu ila amrillah » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que la descente concernait son commandement. Et également, les preuves qui réfutent cette thèse, c'est le fait de dire que le commandement d'Allah Azza wa Jal descend tout le temps et n'est pas restreint au dernier tiers de la nuit. Car toute chose qui a lieu sur cette terre a lieu par le commandement d'Allah Azza wa Jal. Si tu respires, c'est qu'Allah Azza wa Jal t'a autorisé de respirer. D'accord ? Donc toute chose qui a sur cette terre, qui a lieu par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de restreindre la descente du commandement au dernier tiers de la nuit n'est pas une chose acceptable. Également, parmi les arguments que l'on peut utiliser pour répondre à ceux qui disent que ce n'est pas Allah qui descend, mais son commandement, c'est de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah dira « Y a-t-il quelqu'un pour me demander afin que je lui donne ? Y a-t-il quelqu'un pour demander le pardon afin que je lui pardonne ? Y a-t-il quelqu'un qui veut se repentir pour que j'accepte son repentir ? Est-ce que le commandement dit ça ? Si on dit que c'est le commandement qui descend, est-ce que le commandement dit « Y a-t-il quelqu'un pour me demander afin que je lui donne ? » Est-ce que le commandement donne ? Est-ce que le commandement pardonne les péchés ? Est-ce que le commandement accorde le repentir ? Tout ceci sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Wala yisat sifatu li amri » D'accord ? Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. La preuve, c'est que c'est Allah azza wa jalla qui dit « Qui me demande pour que je lui donne ?» Et il est inconcevable de dire que c'est le commandement d'Allah qui s'adresse aux serviteurs d'Allah azza wa jalla en leur demandant « Qui veut quelque chose pour que je lui donne ?» C'est clair ou pas ? نثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقده ولا ندخل في كيفيته ونقول كيف ينزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو هل نزوله بحركة أو بغير حركة هل وهل إلى آخر التساؤلات ثلث الليل يختلف باختلاف الأقالم هل كل هذا لا دخل لنا فيه الذي خلق الأقالم وخلق الليل والنهار هو الله جل وعلا فهو ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير لا ندخل في هذه المتاهات وهذه الأباطل ونتقول على الله وعلى رسوله ما لا نعلم نحن لسنا مكلفين بذلك كفاك أن تعلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل وأن تتعرض لهذه النفحات ولا تحرم نفسك منها فتقوم كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وتسأل الله وتستغفره وتتوب إليه. Donc nous devons attester ce qu'il y a, ce qui est rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم et de croire en tout ce que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé sans rentrer sur le comment. Et nous ne devons pas dire comment est-ce qu'Allah descend. Est-ce que lorsqu'il descend, il est séparé de son trône ou non? Lorsqu'il descend, est-ce qu'il descend en faisant des mouvements ou non? Ou d'autres, ou toute autre question, ou dire encore que le dernier tiers de la nuit diverge en fonction des endroits de la planète. Toutes ces questions, nous ne devons pas y entrer et elles ne nous concernent pas. Car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé la nuit et le jour, et Allah Azza wa Jal descend comme il veut, il descend comme il veut subhanahu wa ta'ala, et il est capable de toute chose subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons donc pas rentrer dans ces futilités et dans ces choses qui n'apportent rien et qui vont faire en sorte que la personne va dire des choses sur Allah et sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le savoir. Car celui qui rentre dans ces questions, est-ce qu'Allah, lorsqu'il descend, il est, est-ce que son trône, est-ce qu'il est toujours établi sur son trône ou pas lorsqu'il descend? Le fait de poser ces questions-là et d'essayer de trouver des réponses, les réponses qui seront données, est-ce qu'elles seront puisées du Coran ou de la Sunna du Prophète ou non? Non. Donc tu diras sur Allah et sur son Prophète ce qu'ils n'ont pas dit. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Et n'entre pas, on ne dit pas des choses dont tu n'as pas de science. Car lui, inna as-sam'a wal basara, la vue, wal fu'ada, et la bouche, na'am wal fu'ada, et le cœur, kullu dhalika kana 'anhu mas'ula. Sur tout ceci ou toutes ces choses seront questionnées le jour du jugement sur ce qu'elles auront dit ou fait. Donc ne dis pas une chose dont tu n'as pas de science, surtout lorsque ce sont des choses qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Puis Cheikh Al-Fawzan dit: Lesna mukallafina bidhalik. Allah azza wa jalla ne nous a pas ordonné et ne nous a pas donné comme poids le fait de connaître le comment de ses attributs subhanahu wa ta'ala. Il nous suffit uniquement de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le ciel le plus bas, chaque nuit, durant le dernier tiers, et que de ceci, on doit comprendre que nous devons profiter de ce don d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas priver nos personnes de ce moment béni du dernier tiers de la nuit et de se lever chaque nuit lorsqu'il reste le dernier tiers, de demander à Allah azza wa jal, de lui demander le pardon et de se repentir à lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre dans tous les autres attributs. Lorsque tu sais qu'Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, qu'il est capable de toutes choses. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Wallahu alimun bi dhati as-sudur. Qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'il y a dans les poitrines. Le fait de savoir ses attributs d'Allah Azza wa Jal, il faut que tu en tires des conséquences. C'est-à-dire, tu sais qu'Allah Azza wa Jal te voit. Tu sais qu'Allah Azza wa Jal est connaisseur de toutes choses. Tout ce que tu fais, Allah Azza wa Jal en est parfaitement connaisseur, que tu sois aux yeux des gens ou que tu sois tout seul. D'accord? Et ceci doit faire en sorte que la personne se remette en cause et que lorsqu'elle fait un acte, une adoration à Allah Azza wa Jal, ou lorsqu'elle s'apprête à faire une interdiction ou un péché, qu'elle sache qu'Allah Azza wa Jal la regarde et qu'Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de ses actes, etc., etc., pour tous les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما إنك تجيء بهذه التساؤلات كيف ينزل كيف كذا وكيف كذا الليل يختلف تشغل نفسك بهذه الأمور وتحرم نفسك من هذا الأجر وهذه النفحات العظيمة هذا حرمان والعياذ بالله بلغك هذا الأمر فعليك بالمبادرة والامتثال لأن لا تفوتك الفرصة ولا تتساءل وتفكر وتسأل فلانا وفلانا هذه مشغلة ولا طائل تحتها وما أخبر الله بها إلا من أجل أن تستغل هذه الفرصة في كل ليلة ونبادر إليها ونتحراها فهي نعمة من الله جل وعلا وفرصة ثمينة هذا هو المطلوب منا المطلوب منا العمل وليس المطلوب منا الاستشكالات والقول على الله بلا علم هذا ضلال والعياذ بالله. Puis Cheikh Fawzan appuie encore ceci en disant que si tu viens avec toutes ces questions futiles, comment Allah descend, comment ceci, comment cela, la nuit n'est pas la même dans, sur terre en fonction du décalage horaire, etc., de s'occuper de toutes ces questions qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas d'utilité, va faire en sorte que la personne va se priver de, des biens qui, du bien qui a été voulu à travers ce hadith du prophète sallam, c'est-à-dire de profiter des, de ce don d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se préoccuper d'autre chose est un égarement wal'iyadu billah. Puis Cheikh Fawzan dit balaka hadha al-amr, ce hadith du prophète sallam t'est parvenu, tu dois alors faire en sorte de le mettre en pratique, c'est-à-dire de te lever durant le dernier tiers de la nuit et ne pas te poser des milliards de questions et de réfléchir sans cesse et de demander à telle personne ou telle personne. Tout ceci sont des sujets qui préoccupent la personne et qui n'en tirera pas de bénéfice. Et Allah Azza wa Jal nous a informé de ceci uniquement pour que l'on puisse profiter de cette opportunité et de profiter des biens d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est une occasion très famine, fursatun famine, c'est-à-dire c'est une occasion qui est une occasion en or, le fait qu'Allah azza wa jal t'accorde le dernier tiers de la nuit comme un moment d'exaucement. طيب وقوله أي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة أخرجه أحمد في المسند. Ensuite l'auteur cite un deuxième hadith du prophète صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. Ton Seigneur s'étonne d'un jeune qui n'a pas d'attirance. Et c'est un hadith que Cheikh Al-Albani a authentifié dans Al-Silsila Sahiha. Bilafd, inna rabbaka la ya'jabu lish-shabi la sabwata la. Et Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith. Donc le sens est vrai. En utilisant le hadith que Cheikh Al-Albani a authentifié, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ton Seigneur s'étonne d'un jeune qui n'a pas d'attirance. قال الشيخ الفوزان هذا فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى وأنه يعجب للشاب يعني يحب هذا الشيء جل وعلا ويعجبه والعجب هو خروج الشيء عن المألوف هذا الذي يسبب العجب والله يوصف بالعجب والمخلوق يوصف بالعجب مع الفرق بين العجبين والصبوة هي الميل إلى الشهوات والمستلذات لأن من عادة الشاب بسبب قوة الشباب فيه وقوة الشهوة فيه أنه يميل إلى الشهوات وإلى الغفلة واللهو والتمتع بهذه الدنيا. Cheikh Al-Fawzan dit, il y a dans ce hadith l'attestation de l'attribut de l'étonnement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne. Il s'étonne d'un jeune, ya'jabu lish-shab, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal aime cette chose chez ce jeune et que cela étonne Allah Azza wa Jal. Wal-ajabu est la définition de l'étonnement, huwa khuruju shay'i 'an al-ma'luf, c'est le fait qu'une chose sorte de son ordinaire. C'est ça un étonnement. C'est le fait qu'une chose sorte de son ordinaire. هذا الذي يسبب العجب, c'est ceci qui provoque l'étonnement. Lorsqu'une chose sort de son ordinaire, elle provoque un étonnement. Wallahu azza wa jal yusafu bil ajab. Allah azza wa jal est a parmi ses caractères, parmi ses attributs, l'attribut de l'étonnement. Et ces créatures également s'étonnent, mais il y a une grande différence entre les deux étonnements. Al-sabwa dans le hadith, c'est-à-dire l'attirance, hiya al-maylu ila al-shahawat wal-mustaladhat. C'est le fait d'être attiré et d'être penché vers les passions et les plaisirs. Car les jeunes ont l'habitude d'être attirés par les passions et par les plaisirs du fait de leur jeunesse et du fait qu'ils ont beaucoup d'envie durant cette jeunesse. C'est pour cela qu'ils tendent plus vers les délices, vers les plaisirs et les passions, vers al-rafla, comment dire al-rafla, l'insouciance, na'am, al-lahu, l'abusement et le fait de profiter abusément de cette vie d'ici-bas. فإذا جاء شاب على خلاف هذا المألوف وترك التصابي وترك الميل مع الشهوات وأقبل على عبادة الله في شبابه فهذا يعجب الله جل وعلا لأنه عجب. Et lorsqu'un jeune vient différemment de cet ordinaire, c'est-à-dire lorsqu'un jeune est connu pour ne pas être attiré vers les plaisirs et les passions, et délaisse tout ceci pour accourir vers l'obéissance et l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala durant sa jeunesse, eh bien ceci étonne Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est quelque chose d'étonnant. وفي الحديث الآخر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة شابا نشأ في عبادة الله وكونه خرج عن طور الشباب وغلبت الشهوة وألف العبادة هذا شيء عجيب دليل على قوة إيمانه. Et dans un autre hadith que vous connaissez tous, les sept qui seront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement, parmi ces sept personnes il y aura un jeune qui aura grandit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est de quoi attendre qu'il y ait une jeunesse dans la hadith. Je sais pas quel âge. Allah, elle n'est pas de had. Tu vois une personne quand elle est jeune, quand elle n'est pas jeune. Jusqu'à 30 ans, tu peux être jeune ou pas? Après, là, on applique la règle. Ce qui n'est pas défini dans le hadith ou en islam, qu'est-ce qu'on applique? Alors, simplement. Quand tu as les règles, après tu les appliques dans tous les hadiths que tu veux. Il y a des personnes qui, je ne sais pas, dans certains pays, seront considérées comme jeunes, et d'autres, comme plus jeunes, on va dire, on ne va pas dire vieux. Il y a quand même une période entre la jeunesse et la vieillesse. Avec les hadiths, ça dépend du urf. Il n'y a pas de hadith bien défini. Et le fait que ce jeune sorte et délaisse les passions et les désirs, et se tourne vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est quelque chose d'étonnant et quelque chose qui prouve la foi forte de ce jeune. Kama anna al-shaykh al-kabir, kama anna al-shaykh al-kabir al-sin, idha hasalat minhu zalla aw hafwa, fahada mimma yustagrabu min, li'annahu fi sinnin la yaliqu bihi al-mukhalafa wal-maylu ma'a al-shahawati li-kibari sinnih. فوقوعه في الحرام دليل على ضعف إيمانه ولهذا جاء أن من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني أو أشيمط زان وأشيمط تصغير أشمت وهذا التصغير للتحقير والأشمت هو المختلط سواد شعره ببياض الشيب فكان المألوف في مثل هذا أنه يقبل على العبادة فإذا انصرف عن العبادة إلى الشهوات خرج عن المألوف وصار ذنبه أعظم من ذنب الشاب لأن الشاب تدفعه قوة الشهوة أما هذا فليس فيه قوة شهوة لكن لحبه للمعصية وإلفه لها مال إليها. Il est concernant l'homme âgé, lorsqu'il fait une erreur, ceci est étonnant. Et on s'étonne quand on voit une personne âgée, par exemple, qui tombe dans l'adultère, dans la fornication. Car ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Et ce n'est pas quelque chose d'ordinaire qu'une personne vieille, qu'un vieillard fasse l'adultère. Le fait qu'il se tourne vers les désirs et les passions malgré son âge avancé, et le fait qu'il tombe dans l'interdiction, dans le haram, dans l'interdit, est une preuve que sa foi est basse. C'est pour cela qu'il a été rapporté dans un hadith authentique rapporté par un musulman et autres, que ceux parmi les personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parlera pas, à qui Allah Azza wa Jalla ne s'adressera pas le jour du jugement, ne les purifiera pas, ne les regardera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Al-Shaykhu Al-Zani, le vieux qui fait l'adultère. Ou Ushaymitun Zanin, ou bien Al-Ushaymit qui fait l'adultère. Ou Al-Ushaymit Tasghiru Ashmit. Ushaymit, c'est un diminutif de Ashmit. Ou Hada Tasghiru Al-Tahrir. Et ce diminutif, c'est pour rabaisser et humilier cette personne. Al-Ashmit, c'est celui dont les cheveux sont mélangés, c'est-à-dire qu'il a des cheveux blancs et des cheveux noirs. فَكَانَ الْمَأْلُوفُ فِي مِثْلِ هَذَا. Et il est connu d'ordinaire qu'une personne de cet âge accourt vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il délaisse l'adoration pour les passions, il sort alors de l'ordinaire et son péché sera alors énorme. Plus il sera plus grave que ce même péché commis par un jeune, car le jeune est poussé par ses envies. Quant à celui-ci, il n'a plus d'envie, mais c'est le fait qu'il aime la désobéissance et le fait qu'il l'apprécie. C'est pour cela qu'il tombe dedans. Al-hasil anna hadha al-hadith fi ithbatu al-ajab lillahi subhanahu wa ta'ala wa annahu ya'jabu min ba'd 'ibadihi wa ta'ajjubihi wa ta'jubuhu al-a'mal wal makhluq ya'jab. Qala ta'ala li nabiyyihi wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum aidha kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. وصف نبيه بأنه يعجب ووصف نفسه في الحديث بأنه يعجب مع الفرق بين العجبين عجب الخالق وعجب المخلوق. Donc, en résumé, il y a dans ce hadith la preuve de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'étonnement, et que Allah subhanahu wa ta'ala est étonné de certains de ses serviteurs, de même qu'il est étonné de certains actes, de certaines adorations. De même que la créature également s'étonne. Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire: quand nous serons poussière, redeviendrons-nous vraiment, ou reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création? Qui a dit cela? Al-Mushrikin. On dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: si nous sommes poussière, est-ce que vraiment on sera ressuscité vers une nouvelle vie? Et Allah Azza wa Jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: si tu dois t'étonner, alors rien de plus étonnant que la parole de ces mouchriquins. Pourquoi est-ce que c'est étonnant? Non, parce qu'ils ont été créés du néant. Ils ont été créés du néant. Ils n'étaient rien et Allah Azza wa Jal les a créés. Donc pourquoi s'étonner d'être créé de poussière, qui est quelque chose d'existant, et ne pas s'étonner d'être créé du néant? Donc Cheikh Fawzan dit: Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en parlant de son prophète Hassan, qu'il s'étonne. Et Allah azza wa jalla, dans le hadith, il y a l'attribut de l'étonnement. Il y a donc mais il faut prendre en compte la différence entre les deux étonnements: l'étonnement de la créature et l'étonnement du créateur. On aktafi bihadha al-qadr wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.